suite à vos commentaires. Donc, enregistrement du 2 novembre de l'année 2019. Donc, aujourd'hui, je vise à donner suite verbalement à des commentaires, à des messages que j'ai reçus dans les derniers jours, que ce soit par rapport à YouTube et Facebook. J'ai reçu plusieurs messages, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les messages, je peux les recevoir par rapport à des enregistrements qui ont été faits il y a plusieurs mois. Donc, il y en a par rapport à des enregistrements récents et aussi d'autres un peu plus anciens qui ont été produits. Et comme j'en ai fait au-dessus de 400, eh bien, c'est sûr qu'en relation avec ça, j'ai eu plusieurs messages, puis j'en ai toujours plusieurs. Donc, je voulais faire un retour verbal par rapport à certains éléments qui ont été abordés avec des échanges avec des particuliers, donc, pour vous les partager. Donc, je vais parler de plusieurs sujets là. Aujourd'hui, ça va aller dans plusieurs directions. Mais avant de débuter à proprement dit, je veux vous mentionner que je prends les dons sur PayPal et également Interact, qui sont deux services sécurisés sur Internet qui permettent de faire des virements d'une personne vers l'autre. Et c'est sûr que par rapport à PayPal ou Interact, ben, c'est de faire un don advenant qu'il y en a qui soient intéressés à mon adresse courriel étant davidlevesque@commercialhotmail.com. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, si vous voulez avoir un peu plus de détails, là, à savoir PayPal, c'est quoi le site Internet, même chose par rapport à Interact, vous avez les coordonnées là, en bas de l'enregistrement ainsi que celle de mon adresse courriel. Donc, ce message fait, je vais continuer à parler en fait par rapport à des messages que j'ai reçus pour les commenter. Donc, tout d'abord, récemment, j'ai fait un enregistrement qui portait sur l'origine de l'humanité. Donc, c'est un enregistrement de type canalisé, c'est-à-dire un enregistrement où ce que je laisse émerger en moi, qu'est-ce qui se présente dans ma psyché. Le but, dans le cadre de ce type d'exercice, c'est de canaliser mon esprit naturellement. Et puis, c'est sûr que lorsque je tiens des propos dans le cadre d'un enregistrement comme celui-ci ou d'autres enregistrements que j'ai produits, ce qu'il faut comprendre, c'est que les propos ne font pas nécessairement toujours plaisir à mon ego. Et en tant qu'ego, je suis pas nécessairement tout le temps d'accord. Parce que par rapport à l'enregistrement que j'ai fait à l'égard de l'origine de l'humanité, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui semblait offusqué par rapport à ce qui a été dit, dans le sens que elle percevait ça comme étant une expérience manquée, l'humanité. Puis mes propos, dans un sens, allaient dans cette direction, parce que c'est sûr que à l'égard du processus d'involution, où l'ego a été coupé de sa source, et a perdu contact avec la conscience universelle, eh bien, par rapport à ça, ce qui est arrivé dans le processus d'involution, ça a mené à des dérapages, que ce soit des massacres, des guerres, des viols, etc. Parce que l'ego, entre autres, une fois dans la matière, en s'individuant, eh bien, il a été fasciné par la forme, fasciné par la matière, ce qui a fait qu'il a développé, entre autres, un orgueil pour se l'approprier. Il a développé aussi un esprit de domination, puis comme l'ego était fasciné par la forme, ben à ce moment-là, il n'était plus disponible pour être à l'écoute de l'esprit, entre autres. Et également, l'être humain n'était plus en mesure de s'ajuster à la dimension impersonnelle de sa conscience qui est restée sur le plan éthérique et qui n'a pas été altérée par le processus de l'évolution. Donc, par rapport à tout ça, ce qui est arrivé, eh bien, l'ego est devenu progressivement inconscient, étant coupé de sa source, il a été fasciné par la forme, il a été dominé par la forme et il a été aussi dominateur. Et puis là, on s'est ramassé avec plein de problématiques sur Terre. Donc, c'est sûr que dans un sens, ces problématiques-là peuvent nous donner l'impression que c'est une expérience manquée, qui a occasionné beaucoup de souffrance. Puis que quelque part, c'est frustrant. Et je partage en tant qu'ego cette frustration. C'est sûr que moi, personnellement, j'aurais pas voulu que les choses se passent ainsi en tant que je, Par contre, c'est pas moi qui contrôle. C'est sûr que si je fais une canalisation ou j'aborde un sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce qui émerge en moi par rapport au passé de l'humanité, c'est qu'il y a eu des manipulations génétiques, il y a eu un ego, que je dis qu'un ego était fasciné par la forme, etc., puis il s'est passé plein de choses que je décris. C'est sûr qu'en tant qu'ego, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que à quelque part, pour moi, j'aurais aimé que les choses se passent autrement, comme par exemple, l'être humain soit en mesure de s'ajuster à mesure lorsqu'il évolue et développe un ego individué dans la matière, et que l'être humain n'aurait pas été dominateur avec les autres êtres humains ou dominateur avec les animaux ou les différents règnes de vie. À ce moment-là, il n'y aurait pas eu des problèmes qui ont occasionné beaucoup de souffrance là, pour les animaux, les autres êtres humains, si on pense entre autres à l'esclavage. C'est sûr que en tant qu'ego, idéalement, j'aurais pas voulu que les choses se passent ainsi. Mais en même temps, se sont passés ainsi, c'est-à-dire que les êtres qui sont à l'origine de la création de l'humanité sur le plan éthérique, eh bien, comme ils ont conçu l'humanité ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite, ben eux autres ne savaient pas que l'être humain allait être fasciné par la forme puis qu'il ne serait pas en mesure de se corriger en tant qu'ego, ce qui a fait en sorte que l'être humain, par la suite, a été exposé à plein d'obstacles pour éventuellement s'ajuster, puis éventuellement reprendre contact avec la source, puis bénéficier de son intelligence créative pour connaître une autorégulation vibratoire et retrouver la capacité de s'ajuster intelligemment par rapport à elle. Donc, lorsque l'âme est libre de plus en plus de la forme, elle peut de plus en plus se corriger, mais pour ça, ça prend un correctif évolutif qu'on appelle la fusion. Donc, je n'élaborerai pas plus là-dessus, mais tout ce qui doit être dit ici, c'est que par rapport à cet enregistrement, comme les autres que j'ai produits, si je décris quelque chose, comme par exemple, que ce soit les attentats terroristes que je vais commenter, ça ne veut pas dire que je suis nécessairement d'accord avec ça. Moi, en tant qu'ego, je vise à décrire quelque chose. Donc, c'est tout simplement de voir comme ça. Puis, c'est sûr que l'une des deux optiques, lorsque je communique, c'est de dire ce qui émerge en moi. Parce que là, si je dis juste ce que je trouve beau ou agréable, bien à ce moment-là, l'enregistrement ne sera pas aussi vibrant parce que en tant qu'ego, je vais le trafiquer, je vais faire interférence avec mon désir, par exemple, de plaire à moi-même ou à mon auditoire en disant, en ayant une certaine complaisance pour dire ce que je veux entendre. Ou ce que les gens veulent entendre. Mais si je fais ça, bien, à ce moment-là, je dégrade la qualité de l'enregistrement. Donc, mon objectif, c'est de dire ce que j'ai à dire. C'est sûr que des fois, c'est pas agréable. Mais en même temps, si je fais pas ça, bien, pour moi, ça sert à rien de communiquer, là. C'est sûr que par rapport aux enregistrements, soit dit en passant, comme mentionné à moult reprises, bien, l'important, c'est de pas croire, vérifier par vous-même. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner dans un premier temps. Par la suite, pour ce qui est de la spiritualité, parce que j'ai eu un échange avec une personne sur YouTube là, récemment à ce sujet, c'est qu'elle a trouvé là, que dans le milieu des gens qui parlent de conscience supramentale, le terme spiritualité était mal vu. Elle étant en Europe, avait l'impression que c'était, entre autres, une différence là, de compréhension du terme, étant donné que je suis au Québec, puis il y a d'autres personnes aussi qui ont parlé de conscience supramentale au Québec, qui vont pas nécessairement affectionner le terme « spiritualité ». Dans le fond, ce qu'il faut comprendre par rapport au mot « spiritualité », des fois en clarifiant les concepts, bien ça permet de mettre de l'ordre, c'est que le terme spiritualité peut, c'est sûr, être entendu de plusieurs façons. Donc, quelqu'un peut voir le terme spiritualité comme étant en relation avec le détachement à l'appartenance à une religion organisée. Donc, quelqu'un va dire que l'individu qui pratique une religion est un religieux, tandis que la personne qui s'individualise et vit un rapport personnel avec soit Dieu, sa source, son ange ou son guide, peu importe le terme qu'on donne à une autre entité, eh bien, c'est de la spiritualité. Donc, c'est sûr que ça, c'est un regard par rapport au terme. Par contre, la compréhension critique que j'ai par rapport au terme spiritualité, c'est sûr que j'abonde dans la même direction que Bernard de Montréal, dans le sens que la spiritualité, c'est entre autres en relation avec des croyances, dans le sens que quelqu'un peut prendre une distance par rapport à la religion ou elle adhérait aveuglément à certaines croyances, à certains dogmes, et la personne peut s'individualiser, par rapport à sélectionner certaines croyances plutôt que d'autres, avoir ce qu'on appelle une spiritualité à la carte, un peu comme lorsqu'on va au restaurant, eh bien, on peut prendre la table d'hôte avec différents éléments qui sont prédéterminés ou avoir un repas à la carte, donc sélectionner certains éléments. C'est sûr qu'à l'époque présente, il y a une mode, il y a une mouvance, il y a un courant, notamment possible grâce au phénomène de la mondialisation, où les gens vont sélectionner qu'est-ce qu'ils veulent dans leur assiette spirituelle, dans le sens que quelqu'un peut aller intégrer certains éléments en relation avec la religion catholique, le bouddhisme, par la suite également par rapport à l'hindouisme, par rapport à certaines croyances en relation avec le yoga, le qigong, donc différentes choses. Là, c'est un mouvement qui est un peu plus individuel, mais si ça demeure au niveau de la croyance, la personne n'est pas dans le savoir. Donc, c'est sûr que par rapport à la croyance, il peut avoir des bénéfices. C'est sûr que si, par exemple, une personne, par exemple, va avoir des croyances qui sont plus ajustées qu'autrefois, où elle achetait mur à mur le discours d'une religion, c'est intéressant. Par contre, de mon point de vue, puis de ma compréhension du réel, ça devient des formes auxquelles la personne adhère qui sont plus sophistiquées, mais ça ne fait pas en sorte que la personne est libre de la forme parce qu'elle est capable de manifester à travers sa parole un savoir. Parce que souvent, dans le domaine de la spiritualité, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui, comme la personne avec laquelle j'échangeais, tu sais, elle disait dans le fond, la spiritualité, je l'amenais à définir c'est quoi la spiritualité, puis elle parlait que c'était une recherche personnelle de soi, de vérité. Puis là, je suis intervenu parce que là, la recherche de vérité, là, ça m'intéresse pas du tout. Parce que chercher une vérité, c'est chercher à s'appuyer sur une forme. Une vérité, c'est quoi? C'est une forme. Puis les formes sont temporaires puis sont mouvantes. Donc, quelqu'un qui cherche la vérité, qui se dit être spiritualiste, chercheur de vérité, ben à ce moment-là, tant que la personne cherche à l'extérieur de soi une vérité, une forme, ben elle est pas libre. C'est le fait précisément qu'elle recherche qui la sépare d'un état de bien-être intérieur réel. Puis pour y accéder, il faut que la personne non pas cherche la vérité, mais plutôt laisse émerger en elle-même le savoir et le réel qu'elle porte. Donc, autrement dit, qu'elle fasse de la place à son esprit, à son intériorité, dans une attitude d'intériorisation, pour entendre à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce que ça lui dit. Donc, c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais ramener ça comme ça, parce que c'est sûr que si quelqu'un veut chercher la vérité, c'est de ses affaires. Ben, me regarde pas. Moi, en ce qui me concerne, on ne m'amènera pas, par contre, à vouloir chercher la vérité. Je préfère manifester une parole. Puis, en ce qui me concerne, dans mon expérimentation, parce que dans le passé, j'ai fait des recherches, j'ai été voir des sites Internet, j'ai écouté des documentaires sur différentes religions, mais ça ne me remplissait pas. Puisque j'ai réalisé que c'est pas l'extérieur qui doit remplir mon intérieur, parce qu'à ce moment-là, je me gave de forme. Mais c'est plutôt de laisser émerger mon esprit en moi pour m'apporter à l'intérieur de moi-même un état de plénitude. Parce que si je me fais remplir par des formes à l'extérieur de moi, premièrement, ça m'alourdit. Quelqu'un qui se remplit de croyances puis mémorise ça, mémoriser des passages de la Bible, pour moi, là, c'est une perte d'énergie ou de d'autres livres. Non. Par contre, de laisser émerger en moi, C'est-à-dire donner, par exemple, l'expression à mon esprit de se manifester puis prendre toute sa place dans ma... Ben, prendre toute sa place dans ma vie, c'est-à-dire dans le respect de mon ego, hein? Mon optique, c'est pas d'être possédé par mon propre esprit, mais dans le fond, de laisser mon intériorité émerger en moi puis être à son écoute, c'est ça qui m'apporte plus de satisfaction. Donc, c'est sûr que, par exemple, par rapport à l'origine de l'humanité, j'aurais pu faire un enregistrement où ce que je cite, je crois, Zacharia Sitchin, qui parle des Anunnakis qui ont fait interférence par rapport à l'humanité. J'aurais pu citer également différents auteurs en relation, entre autres, par rapport à... dans le fond, il y a une télésérie là, Ancient Alien, Nos ancêtres les extraterrestres, ou les questions d'interférence extraterrestre. Il s'appelle, l'auteur, je ne me trompe pas, c'est Eric Von Daniken. Donc, j'aurais pu citer des passages par rapport à ces deux personnes qui parlent de l'interférence de forces extérieures par rapport au passé de l'humanité. Ou, comme je l'ai fait, ben j'ai canalisé. Puis c'est sûr qu'en termes d'enregistrement, lorsque je canalise, c'est ça qui me donne plus accès à de la vitalité et de l'énergie. Puis, des fois, je fais des tests. Comme j'avais produit un enregistrement qui s'appelle Neurosciences, par la suite, Libre Arbitre et Conscience Supramentale, où je faisais la lecture d'un article de vulgarisation scientifique par rapport aux neurosciences et la compréhension que véhicule cette science, notamment par rapport au libre-arbitre, et ça me crée une lourdeur énergétique, une dépense énergétique beaucoup plus lourde que faire un enregistrement ou ce que je canalise directement, parce qu'il a fallu que, avant de réaliser l'enregistrement, que je lise l'article, je me documente, j'en ai lu plusieurs pages, d'autres textes aussi, j'ai sélectionné certains passages, par la suite, il a fallu que je me pratique à lire comme il faut, ensuite le réciter. Tandis que si je pars de rien puis je canalise sur le libre arbitre, bien à ce moment-là, je trouve ça plus stimulant, plus vitalisant parce que je laisse mon être s'exprimer sur le sujet. Donc c'est la démarche qui m'habite. Puis c'est sûr que la recherche de vérité pour moi avec le temps, c'est une perte d'énergie parce que les formes sont transitoires. Puis qu'est-ce qui peut être une vérité au moment de sa vie? Ne l'est pas nécessairement un autre. Par exemple, pour une personne dans vingtaine de soulever 300 livres en salle d'entraînement alors qu'elle est au sommet de sa forme, c'est pertinent. Par contre, si la même personne veut soulever 300 livres alors qu'elle est rendue à 90 ans, peut-être que ça risque de la blesser. Donc, les choses fluctuent. Donc, ce qui est pertinent à un moment de sa vie ne l'est pas nécessairement à un autre. Pourquoi? Ben parce que la forme que représente le corps biologique et de la vérité que faire un poids donné, c'est pertinent à un moment, puis ça ne l'est pas à un autre. Puis qu'est-ce qui est pertinent pour une personne ne l'est pas pour un autre, dans le sens qu'une personne peut suggérer à un autre d'aller soulever 200 livres, alors que si la personne n'a pas la constitution physique pour faire ça, elle risque de se blesser. Donc, tout est en fonction de chacun. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vérités sont appelées à évoluer dans le temps puis à être remplacées par d'autres. On le voit présentement, entre autres, au Québec, par rapport au fait que là, il y a des gens, puis je trouve ça intéressant, qui veulent faire des démarches pour faire évoluer la langue française ici. Dans le sens, j'écoutais hier, dans le bulletin de nouvelles de TVA, que des gens voulaient faire en sorte que les participes passés, leur accord soit simplifié. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Ça fait des années que je pense moi-même à ce que la langue française soit simplifiée, que les gens arrêtent de perdre du temps à mémoriser des accords complexes là, par rapport aux participes passés. Même chose par rapport aux mots, parce qu'il y a eu la réforme il y a quelques années à l'égard des mots avec une graphie, la façon d'écrire des mots qui a été corrigée et simplifiée, pour que ce soit un peu plus au son, comme par exemple écrire « nénuphar » avec un « F » au lieu d'un « PH ». Il y a d'autres mots aussi, puis je salue ça. Et c'est sûr que ce type de réformes-là ont mon appui, dans le sens que pour moi, la langue doit être simplifiée, le français, au lieu qu'elle soit élitique, parce qu'il y a des aberrations. Si on prend par exemple les exceptions nombreuses, ça nous fait perdre du temps, de l'énergie. Et c'est sûr que c'est intéressant d'écouter le reportage de hier par rapport à ça que j'ai vu à la télévision, parce que c'est vrai que les enseignants perdent beaucoup de temps à enseigner aux élèves des exceptions. Donc, si on élimine les exceptions, on va pouvoir donner plus de temps à ce moment-là pour que les gens soient mieux outillés pour communiquer puis exprimer avec précision ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est sûr que en termes d'aberration par rapport aux mots dans le passé que j'ai vu, il y a entre autres le mot « musée ». Donc, « musée » s'écrit toujours avec un « e », « m-u-s-e » accent aigu « e », ce qui nous donne l'impression que c'est au féminin, mais « erreur », c'est un terme au masculin. Mais c'est une exception, donc il doit tout le temps prendre un « e », puis si on ne marque pas un « e » au mot « musée », c'est considéré comme étant une faute. Donc, c'est sûr que pour moi, tout ce qui peut rendre la langue plus logique, plus simple, plus claire, plus accessible, c'est bienvenu. Parce que c'est sûr qu'il faut comprendre que dans le passé, il y avait des gens qui faisaient de la domination par rapport à la complexité de la langue. Les subtilités des dominations de l'ego là, dans l'évolution sont à différents niveaux. Dans le sens qu'en créant un paquet de règles complexes, ça permettait à une certaine élite d'avoir une autorité sur d'autres personnes en disant « ben moi, je suis capable d'écrire sans faire d'erreur, puis toi tu fais des erreurs ». Puis créer des règles tellement complexes que finalement, ça a permis à plusieurs personnes d'obtenir du travail dans le sens des correcteurs par rapport à des documents. Étant donné que la langue est tellement complexe, bien, ça prend plus de correction. Puis c'est difficile de tout mémoriser les règles. Donc, à ce moment-là, ça devient pertinent qu'il y ait plusieurs, par exemple, personnes qui revisent un document. C'est bon pour la création d'emplois par rapport à des correcteurs. Par contre, sur le plan humain, ça a créé beaucoup de souffrance, dans le sens que les êtres humains qui n'ont pas la capacité de tout mémoriser les exceptions, pouvaient vivre une faible estime de soi, une dévalorisation, et ainsi de suite. Puis, il y avait les gens qui maîtrisaient la langue et les autres. Puis, ce qui pouvait arriver, c'est que les gens qui maîtrisaient la langue pouvaient mépriser ceux qui ne la maîtrisent pas, en disant « Ah, ben t'as fait une erreur ici, t'as fait une erreur là. » Moi, je suis plus intelligent que toi. Moi, je connais les exceptions, tu sais. Donner une autorité, une ascendance par rapport à l'accumulation de connaissances intellectuelles pour dominer un autre être humain, pour moi, c'est un manque de respect. Ce volet-là qui a engendré la langue française, entre autres, et toute simplification. C'est sûr, ici, quand que je parle de simplification, c'est dans une optique que la langue soit plus logique, facile à comprendre, qu'il n'y ait plus autant d'exceptions, que ce soit par rapport aux mots ou aux participes passés. Mais mon but, c'est pas de niveler vers le bas la langue, dans le sens que mon optique à l'égard de la langue, en tant que positionnement personnel, c'est que la langue demeure aussi précise qu'elle peut l'être, même gagnant en précision, mais idéalement que ce soit le plus simple possible pour que l'énergie puisse être davantage dépensée à communiquer qu'à corriger. Si on pense à l'écriture, où, par exemple, on écrit un texte, étant donné la complexité des règles, ça se peut qu'on passe plus de temps à corriger le document par la suite à l'écrit, avant de le publier, que le temps que ça a pris pour rédiger le document. Et là, je vous parle d'expérience, parce qu'après tout, sur mon site web, dont vous pouvez retrouver les coordonnées là, en bas de cet enregistrement, j'ai plusieurs textes. Et souvent, quand j'écris un texte, ça me prend plus de temps pour reviser le texte, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute, que les structures de phrases soient adéquates, que de l'écrire. Alors que moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plus vibrer, ce qui me stimule plus, c'est de rédiger le texte. C'est pas de le corriger. Donc, et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je produis abondamment des enregistrements audio, parce que, à la différence d'un texte écrit, j'ai pas besoin de corriger par la suite. Donc, ça me demande moins d'énergie au volet correction, au volet formel, puis ça me permet plus de m'exprimer, puis de véhiculer quelque chose avec créativité. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus stimulant. Mais il viendra un temps où il y aura des super ordinateurs intelligents avec la sophistication de la technologie qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir parler et ça va apparaître à l'écran dans un français impeccable. Il y aura même sans doute éventuellement là, des ordinateurs qui par défaut pourront restructurer les propos tenus à l'oral qui seront dictées dans le cadre d'enregistrement pour les phraser d'une manière adéquate en français littéraire. C'est sûr que par la suite, ça pourrait prendre une relecture pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une perversion là, pas une perversion, mais une déformation de ce que voulu est exprimé là, d'une manière orale pour s'assurer que la vibration de ce qui a été véhiculé n'a pas été perdue. Mais c'est sûr qu'avec la reconnaissance vocale, ça va être intéressant là, tantôt là, par rapport à la technologie qui se développe. Mais là, je vais poursuivre parce que là, j'ai ouvert une parenthèse sur le langage puis l'évolution de la langue, mais je voulais revenir sur la question de la spiritualité. En fait, c'est que pour moi, tant qu'une personne cherche la vérité puis elle se définit comme étant en quête spirituelle, bien, à ce moment-là, elle cherche tout le temps à l'extérieur d'elle-même quelque chose qui, en réalité, elle doit laisser émerger à l'intérieur d'elle-même. C'est souvent lorsque la personne sature d'avoir étudié pendant des années et des années différentes approches, que ce soit de la religion, de la philosophie, de différentes approches de croissance personnelle aussi, que là, à un moment donné, bien, elle en vient au point qu'elle se regarde. Puis c'est là qu'elle peut laisser émerger le savoir en elle, un peu comme un soleil qui se met à rayonner. Puis, à ce moment-là, elle va être plus dans une attitude de canalisation puis d'invention de soi pour se donner les réponses, puis accepter le fait qu'elle sait. Puis ça, c'est un autre aspect, hein? C'est que beaucoup de gens qui ont de la difficulté à assumer le savoir qu'ils portent en eux, puis ils ont besoin d'autres personnes à l'extérieur d'eux pour corroborer certains éléments. Récemment, il y a une personne qui m'a écrit, qui, dans le fond, m'avait posé comme question. Par rapport à Iso V. Sinclair qui parle des archontes, eh bien, qu'est-ce que j'en pensais? Est-ce que je connaissais quelque chose qui allait dans le même sens qu'elle? Donc, autrement dit, elle cherchait à collaborer les propos d'Iso pour voir si j'allais dans la même direction. Donc, c'est sûr que ce type de démarche-là, c'est une démarche plus de type intellectuel où la personne cherche par l'environnement à se valider. Par contre, ce qui peut être pertinent de voir, c'est cette personne-là qui me pose cette question-là. Bien, elle, qu'est-ce qu'elle vibre par rapport au terme archonte? C'est sûr que moi, personnellement, je suis pas intéressé à aller écouter les enregistrements que font d'autres personnes où ils parlent d'archonte, puis là, ensuite, aller commenter ça. Non. Que ce soit les archontes, les Anunnakis ou d'autres vidéos, parce que des fois, les gens m'envoient des liens vidéo. Mon optique, c'est pas être un commentateur de ce que disent les autres. Par contre, si quelqu'un a une question générique à me poser, à savoir qu'est-ce que vous pensez ou tu penses, en fait, les gens peuvent me tutoyer, là, j'ai aucun problème avec ça, peu importe leur âge. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à l'origine de l'humanité puis les êtres qui auraient fait interférence dans le passé? Ah, ça, c'est une question à développement intéressante. Mais qu'est-ce que tu penses de telle personne, ce qu'elle a dit sur les archontes? Est-ce que pour toi, c'est réel ou non? Ben là, moi, je suis pas intéressé à écouter le matériel des autres pour pouvoir le commenter. Ça m'alourdit. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui me posent des questions, faites-le directement. Puis, les gens aussi, positionnez-vous directement par rapport à ce que disent les gens, dans le sens qu'au lieu de chercher un appui extérieur pour valider ou corroborer ce que dit une autre personne, vérifiez avec votre intérieur si ça vibre ou non. Parce qu'après tout, le développement d'une conscience vibratoire, fondamentalement, c'est quoi? C'est d'observer lorsque quelque chose qui est dit, si ça vibre ou si ça vibre pas. Puis, pour vous donner une mesure du réel, ben c'est votre intériorité. Parce que vous pouvez corroborer un propos avec une autre personne, mais il peut y avoir encore un doute. Puis il y a une autre personne au cas où que c'est pas tout à fait ça, puis une autre personne, puis finalement, vous pouvez passer des années puis faire des recensions d'écrits, puis là, faire des synthèses de quels sont les auteurs qui sont partisans de la théorie à l'effet qu'il y a eu une interférence d'extraterrestres sur le règne humain, quels sont les auteurs qui s'y opposent, et ainsi de suite. Quelqu'un peut passer du temps, ou de manière instantanée, la personne tranche vibratoirement. Est-ce que ça vibre ou non par rapport à l'idée qu'il y a eu des extraterrestres dans le passé qui ont interféré sur le destin d'humanité et interagi avec lui? Moi, personnellement, ça me dit oui. Bon, ben, je passe à autre chose. J'ai pas besoin de faire des recherches pendant 30 ou 40 ans sur le sujet, puis avoir écouté des milliers de documentaires, là. Donc, c'est une autre façon de procéder à partir de sa vibration. C'est sûr que je prétends pas maîtriser ça. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi je fais des mises en garde par rapport à mes enregistrements, là, de vous ramener à vous-même. Et c'est l'esprit de ma démarche. Mais la spiritualité, en fait, j'en suis détaché de plus en plus avec le temps, parce que la spiritualité, c'est d'adhérer à des croyances. Puis adhérer à des croyances, c'est faire quoi? Ben, c'est renoncer à son esprit critique. C'est de donner un chèque en blanc à des êtres à l'extérieur de soi pour définir c'est quoi le réel. Alors que la personne qui s'individualise doit apprendre à définir par elle-même le réel, elle a su se supporter elle-même, sans les autres. Puis c'est pas évident, hein? Parce que quelqu'un, par exemple, ça peut lui dire que les archontes, c'est telle affaire, une autre telle affaire, une autre telle affaire, mais la personne, quand ça dit quelque chose de particulier, ben, elle doit supporter ça sans avoir besoin d'autrui. Donc, se supporter soi-même dans son individualité, puis agir en fonction de ce qui nous donne de la vitalité. Voilà où ce que j'en suis. C'est sûr que ce qui est particulier, c'est que les gens dans le domaine de la religion ou de la spiritualité vont avoir tendance à croire à des choses. Ensuite, dans le domaine scientifique, plus matérialiste, cartésien, souvent les gens vont être plutôt de type sceptique. Donc, ils vont douter. Donc, soit la personne est dans le pôle, le volet de la croyance, la personne adhère à des choses, elle a une certaine naïveté, tandis que l'autre, elle a un esprit critique. Puis à doute. Donc, à l'égard de la forme, soit que la personne adhère à la forme, elle lui donne de l'importance ou elle n'en donne pas. Mais dans tous les cas, la personne se positionne à l'égard de forme, tandis que si la personne se positionne par rapport à laisser émerger le savoir en elle, ben, ça lui permet de trancher. Puis là, elle n'est plus dans la croyance, puis elle n'est plus dans le doute. Et dans l'affirmation d'une vibration qu'elle peut canaliser, qui vient de son esprit pour se brancher au réel. C'est une autre approche très différente. Mais pour vivre ça, ben, il faut que la personne soit à l'écoute de son intériorité. Pas à l'écoute de la TV, pas à l'écoute du voisin, pas à l'écoute d'Internet, mais à l'écoute d'elle, à la base. C'est sûr qu'elle peut rentrer en vibration avec du matériel véhiculé sur Internet, mais à la base, il faut qu'elle regarde qu'est-ce qui émerge en elle, là. Ensuite, j'avais reçu un commentaire d'une personne qui m'a écrit par courriel, parce que en plus de YouTube et Facebook, je reçois des fois des messages plus de type privé là, à mon adresse courriel là, sur Hotmail. Et la personne voulait savoir là, quoi faire pour évoluer. Puis ce qui était particulier, c'est que dans le timing, la période où j'ai reçu ce message-là par courriel, j'étais beaucoup dans l'ego qui désire avancer. Moi-même, là, j'étais en train de lire des documents là, par rapport au yoga, puis là, je cherchais les meilleures positions de yoga, les plus optimales. Parce que j'ai fait une étude dans les derniers jours par rapport au yoga, parce qu'il y a une des personnes que je connais qui m'a mentionné que certaines postures de yoga pratiquées à long terme peuvent nuire à la santé. Donc, à quelque part, il y a certains mouvements, parce que ça a été développé sur plusieurs millénaires du yoga. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement toutes les connaissances scientifiques là, qu'ont développées, que ce soit les chiropraticiens, que ce soit également les physiothérapeutes, pour éviter d'occasionner certaines blessures ou problèmes de dos et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que par rapport au yoga, c'est important d'être vigilant à l'égard des postures. Puis là, j'avais un désir d'adopter les bonnes postures de yoga. Ensuite, j'étais en mode étude du Qigong, qui est une autre approche intéressante qui implique des mouvements pour essayer de trouver c'est quoi les mouvements les plus optimaux pour favoriser ma santé, mon épanouissement physique. J'étais beaucoup dans le désir de me développer. Puis dans le passé, je mettais beaucoup d'emphase là-dessus, puis d'avancer, puis à quelque part d'évoluer. Puis ce qui est intéressant, c'est que le message est venu au bon moment dans ma vie, parce que la personne a dit « Je veux fusionner, je veux avancer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis tu sais, je voyais qu'elle vibrait beaucoup au désir, puis j'étais dans une période où je vibrais beaucoup au désir. Puis là, ce qui émergeait en moi, ça a été un commentaire pour ajuster la personne en disant de se calmer, puis moi-même aussi. Des fois, c'est intéressant les commentaires des gens parce que ça m'amène à me ramener moi-même à l'ordre. Parce que je me définis comme étant un processus de développement. Je me définis pas comme étant un maître spirituel ou un initié qui a tout intégré la conscience. Bien au contraire. D'ailleurs, l'utilité, entre autres, de faire des enregistrements sur Internet, c'est dans l'optique de faire une intégration de qu'est-ce que je vis, de raffiner ma compréhension du réel, puis que les choses s'ajustent dans mon existence. D'ailleurs, c'est la raison, entre autres, pour laquelle je parle, parce qu'à travers la parole, à voix haute, ce que j'ai observé, c'est que des fois, il y a des réajustements qui se font. Par exemple, on commence à dire quelque chose, puis à voix haute, ça se réajuste. Des fois, comme récemment, j'étais en mode réflexion, puis j'écoute ces temps-ci des téléséries, comme par exemple des épisodes de Star Trek. Il y en a plusieurs, hein? Il y a eu Star Trek, la série originale, The Next Generation, ensuite il y a eu Voyager. Il y a plusieurs téléséries d'ailleurs qui sont disponibles sur Netflix où je suis abonné. Et j'écoutais ça, puis j'étais beaucoup dans le désir d'être dans un temps futuriste où les principaux problèmes, que ce soit de pollution, problèmes médicaux, tout ça s'est réglé, puis on a accès à une belle technologie, puis on est dans une civilisation où il y a des percées très intéressantes en matière de développement dans le futur. Puis là, j'étais envieux. Je regardais ça, puis j'étais envieux des gens qui vont évoluer comme dans la télésérie Star Trek, dans des beaux vaisseaux avec des grandes capacités de déplacement, avec rapidité, efficacité, avec les synthétiseurs de nourriture. On peut produire la nourriture qu'on désire. On est très loin des problèmes de famine ou de malnutrition qu'on peut connaître sur Terre encore aujourd'hui. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis j'étais dans le désir, puis j'étais dans la réflexion. Puis là, j'ai voulu dire à voix haute, puis je voulais partager ça à quelqu'un, puis lui dire, je suis pas content d'être incarné dans l'époque actuelle, puis je voudrais être dans le futur. Puis je parlais, puis ça bloquait. Puis ça me disait, non, j'ai à être dans l'époque actuelle. Puis là, ça se réajustait, mais tant que j'étais en mode réflexion, puis d'écouter du Star Trek, puis être envieux, je réfléchissais puis je souffrais parce que mon désir était en décalage avec ma situation présente. Puis là, quand que je commence à parler à voix haute, ça se place. Devenir une civilisation Star Trek présentement, c'est pas de mes affaires. Ce qui est de mes affaires, c'est d'évoluer dans une civilisation qui est en transition puis ça participe à mon développement. Ting! Ça a réglé la question, ça a coupé le mouvement compulsif de réflexion et d'envie. Donc, des fois, de parler les choses à voix haute, ça permet d'ajuster. Et je le fais abondamment. C'est pour ça que j'ai fait au-dessus de 400 enregistrements qui sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur Internet. Mais pour en revenir à la question de la personne qu'elle m'a posée, quoi faire pour évoluer puis fusionner? La réponse, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire. Puis d'ailleurs, de cesser d'être dans le désir de faire permet d'être plus à l'écoute de son intériorité. Donc, de se laisser être plutôt que dans la recherche compulsive de faire. Et l'émergence de la réponse que j'ai donnée à la personne m'a ajusté dans le sens que là, je passais beaucoup de temps à chercher c'est quoi les bonnes techniques pour optimiser mon potentiel en faisant du yoga, du qigong, du reiki, différentes approches, différentes techniques de mieux-être. Mais en réalité, tout ça, ça peut servir à l'ego pour s'équilibrer puis s'ajuster en tant qu'âme. Mais ces techniques-là, associées à la haute spiritualité, ne permettront jamais à l'ego de vivre la fusion avec l'esprit. Parce que c'est très différent. La fusion avec l'esprit est entamée par l'esprit. Donc, à la base, là, pour connaître le début du processus, il n'y a rien à faire. C'est l'esprit qui branche la personne lorsqu'il juge que c'est pertinent. Puis c'est sûr qu'en tant qu'ego, c'est insécurisant. Parce que tu n'as pas le contrôle sur le processus. Mais tu le subis. C'est une descente d'énergie pour te faire éclater certaines illusions que tu as. C'est sûr que ça va te faire vivre un choc énergétique important. Puis c'est sûr que dans le fond aussi, quand j'ai répondu à la personne par rapport qu'il y avait beaucoup le désir de faire, puis qu'il était là-dedans, puis moi dans le passé j'étais beaucoup là-dedans, puis des fois j'ai des petites rechutes encore comme récemment où je suis dans le désir de faire, ça m'amène à me calmer. Un peu comme quelqu'un qui prend une grande respiration puis il se dépose, puis être plus dans « j'accepte qu'est-ce qui est ». Parce que dans le désir de faire, par une résistance au réel, Dans le sens que la personne, parce que ben, si je me prends comme personne, c'est intéressant parce que des fois, j'aime utiliser entre autres des enregistrements de faire de l'autothérapie. Moi, en tant qu'ego, c'est sûr que ce que je vise, c'est avoir une santé physique qui est optimale, une santé financière optimale, un épanouissement amoureux optimal, donc épanouissement sexuel, être comblé sur tous les aspects de ma vie. Pour avoir une vie agréable, puis j'œuvre dans ce sens-là. C'est sûr qu'en termes de désir, parce que j'ai écouté beaucoup d'enregistrements, entre autres de Bernard de Montréal, où il était question que dans l'avenir, nous allions vivre dans une civilisation où les êtres humains pourront faire agir la matière en fonction de leur volonté. Donc, à ce moment-là, la personne dans ce type de civilisation-là a vieilli plus sur le plan physique. Donc, c'est sûr qu'en termes de désir, ça serait d'avoir un corps biologique qui s'ajuste à ma pensée, ce qui ferait en sorte que je pourrais être sur Terre le temps qu'en tant qu'ego, je le désire, et ma vie ne serait pas limitée nécessairement, comme beaucoup d'êtres humains, soit à peu près à 85 ans ou 90 ans. Non. L'être humain pourrait avoir le nombre d'années qu'il désire sur Terre pour faire ce qu'il a accompli, puis ensuite, il passe à autre chose. Puis ensuite avoir une condition, ben c'est sûr si la pensée agit en fonction de la volonté, ben la personne peut déterminer d'être en santé d'une manière perpétuelle. La personne ne connaît pas de problème associé à la forme physique, aucun. C'est sûr qu'en tant qu'ego, je voudrais avoir ça tout de suite, cette capacité-là. Par contre, ça c'est mon désir. Par contre, si je peux pas l'avoir, puis je suis dans le désir de tout ça, puis j'essaie de créer, ça crée une tension en moi, puis il faut à quelque part accepter ce qui peut pas être changé, puis changer ce qui peut l'être si on en a la vibration. Fait que c'est sûr que si je veux avoir, je suis très ambitieux, puis je voudrais avoir accès à ça tout de suite, alors que c'est prévu qu'on ait accès à ça dans plusieurs siècles, puis qu'avant que l'être humain ait accès aux lois d'énergie pour gérer totalement sa condition biologique, il faut qu'il y ait une harmonisation psychique totale avec l'esprit, ce qui implique une altération totale de sa psychologie. Ben, on peut pas devancer les choses. C'est-à-dire que si la personne n'a pas une psychologie totalement ajustée avec l'intelligence de l'esprit, puis que la personne désire avoir des super capacités, bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça crée de la frustration. Puis aussi, ça pourrait créer des dérapages. Parce qu'un peu comme les super-héros qu'on peut voir dans des bandes dessinées, il y a des gens là qui ont des super pouvoirs, puis il y a des super vilains aussi, les super méchants. Donc c'est sûr que s'il y a des gens qui ont des super capacités de dématérialisation, de se déplacer puis voler dans le ciel et ainsi de suite, donc de faire agir la matière en fonction de leur volonté, ben ça peut créer beaucoup de dérapages avec les super-héros qu'on peut voir dans les bandes dessinées ou dans les films de science-fiction qui ont des super pouvoirs, super capacités. Ça fait des dérapages parce que ces gens-là ont des orgueils. Mais si ces êtres-là n'auraient pas d'orgueil subjectif, donc quand je dis qu'ils ont des orgueils, c'est-à-dire que ils sont colorés, sont sous influence astrale, sont sous l'influence de programmation, mais si ces égos-là étaient transparents, ben, ils ne pourraient pas utiliser ces capacités-là à des fins de domination sur autrui, puis ils seraient en harmonie avec les êtres sur le plan éthérique. Donc, ce serait intéressant, mais c'est sûr que pour ce qui est de l'humanité, il n'y aura pas de super-héros ou de super-vilains qui vont avoir des capacités tout en ayant des orgueils très forts, parce que ça mènerait des dérapages analogues aux capacités qu'avaient eues notamment des êtres lors de la période de l'Atlantide, qui est une période qui a précédé l'ère présente et qui ces êtres-là ont décliné. Donc, pour éviter ce type de dérapage se produise, ben, les êtres présentement sont limités en capacité. Les êtres devront d'abord intégrer une psychologie modifiée en relation avec l'intégration de l'énergie de l'esprit. Puis par la suite, progressivement, ils auront accès aux lois d'énergie, aux capacités psychiques qui en sont le corollaire. Donc, c'est ça. Il faut être capable de contenir le temps, puis arrêter en tant qu'ego de désirer compulsivement. C'est facile à dire, mais moi-même, une fois de temps en temps, je me fais récupérer. D'où l'utilité de communiquer ça. Puis si je vis ça, puis la personne qui me posait la question expérimente ça, il est possible que certaines personnes d'entre vous vivent ça aussi, d'où l'intérêt de le partager dans le cadre d'un enregistrement. Sinon, il y avait une personne aussi qui m'a écrite sur Facebook. Par rapport à la fusion, puis là, elle avait plein de propos, elle réfléchissait sur la fusion, puis elle essayait de comprendre ça, puis faire des liens, que ce soit par rapport au corps d'énergie glorieux, le corps morantiel, le ci, le ça. Puis la personne était très sophistiquée dans son langage. Par contre, ce que ça me dit intérieurement, arrêtez de vous casser la tête par rapport à la fusion, parce que le processus de la fusion ne se comprend pas d'une manière intellectuelle. On ne peut pas réfléchir quelque chose qui part de là, l'intellect, et qui donne accès à une conscience supramentale qui est au-delà du mental, l'intellect réflectif. Donc, ce n'est pas à travers la forme qu'on peut appréhender le réel. Et le réel ne peut être connu que par le réel qu'on porte en soi. Puis pour être à l'écoute du réel qu'il porte en soi, ben, il faut être capable de s'intérioriser, lui donner de la place dans sa vie, arrêter d'être fasciné par les formes extérieures à soi, puis être dans une attitude de recherche de vérité ou d'essayer de corroborer les faits avec des individus interposés. Donc, c'est ce qui émerge en moi par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'avec la personne, puis je suis très transparent avec vous, est-ce que dans le passé, il m'est arrivé d'aborder la fusion d'une manière intellectualisée? La réponse, c'est oui. Dans une optique de comprendre intellectuellement la fusion, oui. Même chose par rapport à d'autres phénomènes psychiques, que ce soit la kundalini, puis différentes choses. Par contre, la compréhension intellectuelle à partir de formes ne donnera jamais une satisfaction personnelle aussi grande que celle qui peut être obtenue par la capacité de manifester une vibration explicative par rapport au sujet. Par contre, la vibration explicative ne peut être comprise et perçue par un mental vibratoire. Si la personne procède à partir de la forme, bien à ce moment-là, elle ne captera pas la vibration qui est derrière la forme. Donc, l'explication ne pourra pas être saisie et intégrée par rapport à elle. Puis là, ça devient un peu un cercle vicieux parce que c'est la vibration qui ne peut être comprise que par une autre personne qui a une conscience vibratoire. Et ça revient au principe que le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable. Donc, c'est sûr qu'en réalité, ce que ça revient à dire, c'est que pour comprendre le processus de la fusion, il faut le vivre. Puis vous pourriez écouter des milliers d'enregistrements où il est question de fusion. Puis tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas en avoir une compréhension pratique. Puis pour avoir accès à la compréhension vibratoire, il faut avoir accès à la conscience de l'esprit qui permet d'avoir une compréhension énergétique du phénomène sur le plan fondamental. Mais tant qu'on cherche à l'intellectualiser puis de le comprendre avec des formes, on peut dépenser beaucoup d'énergie par rapport à ça. Moi-même, j'en ai dépensé beaucoup dans le passé. Je suis capable d'être autocritique parce que c'est sûr que toute personne qui est engagée dans un processus de développement est appelé éventuellement à être autocritique, c'est-à-dire être capable de remettre des choses en question par rapport à soi pour rendre son ego, transparent, pour qu'il soit capable de voir plus clair dans sa vie. Donc, puis c'est intéressant des fois les commentaires des gens parce que ça me ramène à des aspects de moi-même que j'ai plus à développer ou à ajuster. Puis là, j'ai été transparent avec la personne parce que j'ai quand même dit que dans le passé, j'ai eu tendance à vouloir réfléchir et intellectualiser le processus de la fusion. Puis, quelque part, ça marche pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'infinité de l'esprit à partir de formes finies. Par contre, ça peut s'expérimenter lorsqu'on canalise. On peut capter cette énergie-là qui nous nourrit dans une parole, dans un mouvement. Là, ça fait plusieurs minutes que je parle, puis je suis dynamisé. Parce que, à quelque part, je vise à exprimer une parole qui est en affinité avec mon être entier. Donc, une parole qui en harmonie avec ma totalité. Tandis que si je cherche à m'exprimer intellectuellement, puis là, je cite des auteurs, telle personne a dit ci sur la fusion, telle autre a dit ci, puis je fais une collection de connaissances, ça me demande plus d'énergie. Puis souvent, faire ce type d'exercice-là va m'amener plus dans un mode de réflexion, puis je me sentirai pas autant vitalisé. Donc, voilà ma constatation. Puis, c'est sûr que c'est cette sorte de considération que j'ai complété l'enregistrement d'aujourd'hui. Et comme à l'habitude, eh bien, je vous remercie de votre écoute et pour les gens qui ont apprécié, comme mentionné au début de cette capsule, eh bien, vous pouvez me faire parvenir un don, soit par Interac et également par PayPal. Au revoir.